juin dernier, Donald Trump annonçait la création d'une sixième branche de l'armée américaine, la Space Force ou Force Spatiale, relançant de facto la course à l'armement orbital. Cette course n'a en fait jamais cessé depuis les débuts de l'aventure spatiale, mais il y a armement et armement. Si on est encore loin du rayon de la mort ou du laser qui peut viser à tout moment n'importe quelle cible au sol, en revanche, la destruction des communications satellites d'un pays serait un atout majeur en cas de futur conflit armé. Et comme l'a prouvé un cas d'espionnage spatial récemment imputé à la Russie, dans l'espace, personne ne vous entend pirater. Space Force, le côté obscur de l'espace, c'est le programme militaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette course à l'armement spatial, son histoire et ses futurs débouchés, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Delespinois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes lieutenant-colonel de l'armée de l'air, chef de la division recherche au CERPA, le centre études, réserve et partenariat de l'armée de l'air. Et bonjour Xavier Pascaud. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de Le nouvel âge de l'espace, de la guerre froide au New Space, c'est aux éditions CNRS. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application favorite, mais comme toujours en complément pour venir enrichir un peu ce qui va être dit autour de cette table pendant cette heure via notre fil Twitter où nous publions bien des études, des références, des diagrammes, des images, tout un tas de choses passionnantes. C'est sur le compte @laméthodefc. Quand il s'agit de défendre l'Amérique, il ne suffit pas d'une présence américaine dans l'espace. Il faut une domination américaine dans l'espace. C'est si important. Je suis ici pour demander au département de la Défense et au Pentagone de commencer immédiatement le processus nécessaire afin d'établir une force spatiale qui sera la sixième branche. Voilà, cette sixième branche, bon, depuis, le président américain est un peu revenu hein, sur cette histoire de sixième branche, finalement, ce sera sous une branche de l'US Air Force, mais tout de même, Jérôme Delespinois, c'est un peu un coup d'accélérateur dans cette course à l'espace, ou c'est juste mettre des mots sur quelque chose qui se passait à bas bruit de toute façon depuis des années ? Alors, ça s'inscrit déjà dans une certaine continuité. Depuis le début des années 2000, il y a une série de décisions qui a été prise déjà par l'administration démocrate, Obama, sur les ressources spatiales. Il y a eu un coup d'accélérateur et les annonces de Trump s'inscrivent dans cette continuité. Mais il y a beaucoup de politique dans ces annonces, à la fois dans le tempo et puis dans l'imaginaire de création d'une autre armée. Hein, c'est pas tout à fait une branche, c'est une autre armée comme la marine, comme l'armée de l'air, comme l'armée de terre, comme les Marines. Xavier Pascaud, c'est donc finalement plus un effet d'un coup de com' du président américain que une vraie bascule dans ce qui est un projet militaire un peu plus actif pour l'espace ? Oui, comme vient de le dire le colonel Spinois, on est dans une continuité. Les Américains, depuis à peu près une quinzaine d'années, se sont convaincus que d'abord leur puissance militaire passait par l'espace et que donc par voie de conséquence l'espace, les satellites américains seraient ciblés par leurs adversaires et que donc il faut se protéger, renforcer les protections, et tout ça passe d'abord par des financements de programmes. Et là on est vraiment dans des élans qui sont déjà qui ont débuté il y a bien des années. Et puis effectivement l'administration Trump et le président lui-même, je dois dire plutôt que l'administration parce qu'il y a eu des petites différences là, rajoute un effet très symbolique. Là il parle à sa constituency, comme on dit aux États-Unis, à son électorat, qui comprend très bien et qui voit, ça symbolise très bien là, cette volonté de puissance. Alors d'ailleurs, le projet vient d'être envoyé au Pentagone pour approbation le 1er mars dernier. On parle de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. Ça paraît beaucoup d'argent comme ça, Jérôme Delespinois. En matière de défense, c'est pas énorme, c'est pas un gros financement, 500 millions de dollars par an. Oui, alors c'est un financement supplémentaire. Oui. Alors il y a déjà, ça s'ajoute à de financements multiples. Les plus gros financements actuellement, ils sont captés par l'armée de l'air américaine, l'US Air Force, qui détient le commandement spatial le plus important. Mais chaque armée a son commandement spatial. Ces commandements spatiaux vont être regroupés au sein d'un commandement unique qui va être placé sous la tutelle du secrétaire à l'armée de l'air américaine. Xavier Pascaux, ça a en tout cas suscité des réactions, hein, ce discours de Donald Trump, des réactions géopolitiques internationales, en Russie évidemment, ici même en France, la ministre des Armées Florence Parly a estimé que l'espace est un domaine majeur dans lequel il pourrait y avoir à terme des confrontations. Finalement, par cette déclaration, Donald Trump bouge un peu, pousse les autres pays à bouger un peu, à rendre un peu public des programmes qui étaient pour le moment un peu à bas bruit. Oui, c'est ça. Je pense que finalement cette déclaration très symbolique, un peu excessive, très exagérée de Donald Trump, en tout cas elle mérite de mettre sur la place publique des choses qui se disent effectivement dans les différents ministères de la Défense des différents pays impliqués dans des activités spatiales qui consistent à dire il faut qu'on muscle un peu. Finalement, l'espace devient un milieu, dit-on. Et pour un militaire, un milieu, c'est quelque chose dans lequel on manœuvre, dans lequel on s'exerce, dans lequel on mène des activités. L'espace, jusqu'à présent, c'était plus un sanctuaire de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on s'observait, on regardait, notamment pour l'équilibre stratégique entre les missiles balistiques, nucléaires, on s'espionnait, et c'était un fait accepté par les parties. Et désormais, l'espace est devenu quelque chose de différent, puisqu'en fait, il apporte des services aux troupes qui combattent désormais depuis à peu près une vingtaine d'années. Et donc, évidemment, les militaires considèrent que c'est dans leur dispositif peut-être un talon d'Achille qu'il va falloir protéger, peut-être se battre pour le protéger. Et un théâtre d'affrontement aussi, puisqu'il y a eu, la ministre des Armées justement l'a révélé, c'était à l'automne dernier, vraisemblablement une tentative d'espionnage, de piratage d'un satellite franco-italien attribué à la ministre, par la ministre à la Russie. Ça veut dire que ça y est, finalement, on est déjà en train de basculer de cet espace préservé, sanctuarisé par un traité dont on reparlera, à un théâtre d'affrontement en sous-main. Jérôme de l'Espinois. Ce qui n'est pas... C'est pas nouveau. Enfin, les premiers satellites, tout au moins l'exploitation de l'espace, c'est une exploitation militaire. Les premiers satellites, les satellites Discoverer qui ont été lancés en 1960 par les Américains, qui étaient des satellites d'observation, ont été opérés par la CIA. Donc, l'espace a toujours été utilisé à des fins militaires. Il a toujours été militarisé. Et la conflictualité spatiale, c'est-à-dire la compétition stratégique dans l'espace, c'est quelque chose qui est très ancien, enfin qui est natif, si je peux dire, de la naissance de l'espace en tant que milieu stratégique dont parlait Xavier Pascaux. Et ce qui est peut-être nouveau, et c'est peut-être là le tournant, c'est que il y a une conflictualité qui est intraspatiale, c'est-à-dire l'utilisation de l'espace pour des opérations dans l'espace, c'est-à-dire de contrôle du milieu. Et je pense que c'est ça qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, du sol-espace, espace-sol, tout ça, pour le moment, c'était en cours de recherche. Là, on est en train d'entrer dans une phase espace-espace. Voilà, on considère que l'espace, c'est plus seulement un outil qui finalement véhicule quelque chose vers le sol ou depuis le sol vers un autre point sur la surface terrestre. C'est quelque chose qui peut avoir une action dans l'espace face à des engins qui eux-mêmes peuvent interférer avec eux. Donc là, effectivement, on change un petit peu de perspective. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de la Space Force, de l'arsenalisation, c'est pas un très joli mot, de la militarisation de l'espace. Nous en parlons avec le lieutenant-colonel Jérôme de l'Espinois et Xavier Pascaux. Alors finalement, vous le disiez, hein, Jérôme de l'Espinois, la militarisation de l'espace, c'est presque un pléonasme, c'est constitutif, la course à l'espace, elle est militaire avant tout. Alors vous avez employé deux termes qui sont très différents, c'est militarisation et arsenalisation. On rentre peut-être dans le cœur du sujet. La militarisation de l'espace est quelque chose qui est très ancien, puisque l'espace est utilisé depuis les origines, depuis les premiers satellites de reconnaissance, qui étaient des satellites espions, hein, il faut employer les bons termes. Donc il y a des moyens militaires qui sont déployés derrière l'espace depuis le début, mais l'arsenalisation de l'espace, c'est le déploiement d'armes dans l'espace, et là, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'il y a eu des tests, des expérimentations, mais enfin, on ne connaît pas tout et c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans l'espace. Mais pour le moment, officiellement, il n'y a aucun déploiement de système d'armes dans l'espace. C'est finalement arsenalisation, ce serait militarisation active. C'est ça. C'est la mise en place en orbite d'armes destinées à détruire des satellites. Alors, effectivement, il y a eu des tests, des expérimentations, parfois assez longues, hein, sur plusieurs années. On sait que l'Union soviétique a procédé à des tests de destruction de ses propres satellites sur plusieurs années, dans les années 60, puis 70, et puis dans quelques années 76, 82, etc. Ça a conduit à beaucoup d'expérimentations, mais on n'avait pas le sentiment que ça remettait en cause fondamentalement un équilibre stratégique qui, finalement, conduisait à sanctuariser l'espace, à faire en sorte que, finalement, ni l'un, ni les uns, ni les autres avaient intérêt à ce que ça dégénère, parce que, on en parlera peut-être tout à l'heure, aussi, également, le milieu spatial est un milieu très particulier. Si vous créez des débris, finalement, tout le monde va en pâtir, hein, parce que les débris, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur dans l'espace. Donc, on n'avait pas trop intérêt. Et puis, surtout, on avait besoin que la dissuasion fonctionne. Donc, pour que ça fonctionne, on avait des satellites, les satellites espions, on parlait Jean de Espinois. Et ces satellites espions, d'ailleurs, on a annoncé officiellement leur existence seulement en 93. Tout le monde savait que ça existait. Mais on appelait ça différemment. On appelait ça des moyens techniques nationaux. Dans les traités, c'était plus élégant et puis c'était moins explicite. Mais en fait, c'était des satellites espions. Et c'était d'une certaine manière une garantie du fonctionnement de la dissuasion. Donc l'espace, c'était finalement quelque chose de positif. S'observer, s'espionner, c'était quelque chose de positif. Là, on entre dans une ère un petit peu différente où là, on se sert de l'espace pour mener des actions strictement militaires au sol, donc des actions létales. Et donc l'adversaire en face, si je touche ce point-là, peut-être je vais mettre à mal le dispositif offensif adverse. Et là, effectivement, on change l'espace, on change un petit peu de paradigme. Oui. Parce que y a ce traité de l'espace tout de même qui a été signé en 67, que la France signe en 70, Jérôme de Lespinois. Ce traité, c'était une feuille de c'était de la monnaie de singe, c'était une feuille de papier dedans. pas du tout. C'est un traité qui joue un rôle majeur. C'est le seul traité sur l'espace. Alors, il a ses limites. Vous pouvez nous rappeler en quoi il consiste, en quelques mots? Ce traité sur l'espace, c'est l'utilisation pacifique de l'espace. La grande idée, c'est ça. Alors, il interdit des choses qui peuvent sembler aujourd'hui un peu farfelues. Il interdit de construire des fortifications sur la Lune. Il interdit l'utilisation des armes de destruction massive dans l'espace. Mais par exemple, il n'interdit pas l'arsenalisation de l'espace au sens propre. Il n'interdit pas le déploiement d'armes dans l'espace. Mais la base de ce traité, c'est l'utilisation pacifique de l'espace. Et aujourd'hui, heureusement qu'on a ce traité-là, et on peine d'ailleurs à le compléter aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on serait capable de signer un tel traité. Et ce traité-là, il intervient dans un contexte qui est très particulier. Xavier a dit très justement que les satellites espions, ils participaient à l'équilibre stratégique de la guerre froide. Et c'est pas si évident que ça quand on se replace dans le contexte de ces années 60. Faut se souvenir que lorsque les États-Unis envoyaient des avions espions au-dessus de l'URSS, c'est l'avion U-2 célèbre de Gary Powers, ils étaient abattus en 1960. Et donc l'idée d'utiliser des satellites espions pour aller espionner l'URSS, et c'est pas si évident que ça. Les Américains étaient persuadés que les Soviétiques allaient trouver des moyens pour abattre leurs satellites espions pour recueillir des renseignements. Et c'est pour ça que Xavier disait que la reconnaissance de satellites a été très tardive, parce que dans le traité ABM de 1972, un traité qui consacre l'équilibre stratégique entre l'URSS et les États-Unis, on ne parle pas de satellites espions, on parle de moyens techniques d'acquisition du renseignement. Mais chacun a besoin que l'autre sache exactement quelles sont ses capacités nucléaires pour maintenir cet équilibre. Donc ce traité de 67, il s'inscrit dans ce contexte stratégique où l'espace est devenu une part importante de l'équilibre stratégique entre les grandes puissances. Une extension effectivement du domaine de la guerre froide en quelque sorte. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout de même des tentatives d'arsenalisation de l'espace très tôt, notamment du côté russe. Il y a des tentatives de déployer des armes dans l'espace à destination du sol. En l'occurrence. Absolument. Alors, ce qu'on appelle des bombardiers orbitaux. Alors, on se rend compte très vite quand même que le plus sûr moyen de menacer un pays, c'est pas tellement de mettre une bombe en orbite et puis de la désorbiter. Ça, c'est très très compliqué. Le plus sûr moyen, c'est quand même de faire un lanceur, un missile qui va retomber sur le pays. Et donc, ça va faciliter, je dirais d'une certaine manière, la signature du traité de 67. D'une certaine manière, le traité de 67, ce qu'on interdit, effectivement, comme le dit Jérôme de Lespinois, c'est la principale interdiction, c'est le placement d'une arme de destruction, en gros, une bombe nucléaire en orbite. Ça, oui, on l'accepte facilement, parce qu'en fait, fonctionnellement, ça n'a pas de sens. Donc, c'est facile de signer ce genre de choses, et politiquement, c'est assez gratifiant. Effectivement, l'intérêt, c'est de dire que, finalement, ce traité va permettre d'instaurer une sorte de dialogue, et va s'inscrire dans cet équilibre stratégique qui existe. Il va y avoir des tentatives, effectivement, de destruction de satellites, des expérimentations, mais dès les débuts, même les États-Unis vont étudier la manière, avec des missiles, de pouvoir détruire des satellites. Les Soviétiques vont faire la même chose. choses. Et puis, en fait, on va se rendre compte, et il y a des archives qui sont intéressantes du côté américain, par exemple, on s'inquiète aux États-Unis, et notamment sous la présidence Ford, que les Soviétiques ont quand même mené ces campagnes d'essais, etc. Et on étudie toutes les options, les réponses possibles. Et on voit très bien dans les documents que, bien très vite, ils se rendent compte que faire la même chose et se lancer dans ce serait se tirer une balle dans le pied, précisément pour les raisons qui sont que, eh bien, si on commence à rentrer dans cette escalade, tout le monde, de toute façon, va en pâtir. Et ils font le pari que les Soviétiques, de toute façon, font le même calcul de leur côté. Donc il y a quand même une espèce d'auto, je dirais, régulation de tout ça, qui fonctionne à cette époque-là relativement bien. Je ne savais pas, j'ai appris en préparant cette émission, qu'il y avait même une station militaire secrète russe entre 73 et 76 qui a fonctionné, qui a justement été clairement pensée comme étant une arme. Jean de Spinoy. Alors ça remonte à longtemps, c'est von Braun, je crois, qui est le premier à imaginer, donc le savant allemand, le père des V1 et des V2 allemands, qui a imaginé une station en orbite qui pourrait larguer des bombes nucléaires sur l'URSS. Donc c'est des choses qui ont été imaginées très tôt. Et puis, comme l'a dit Xavier, il y a l'idée de coopération qui est arrivée, et une des plus belles images de cette coopération dans l'espace, qui est quand même l'aspect dominant. On parle ici de la conflictualité spatiale, de la guerre spatiale, etc. Mais c'est quand même un domaine dans lequel il y a une limitation, une auto-limitation, Xavier l'a dit, mais dans lequel prédominent encore aujourd'hui les activités scientifiques et puis de plus en plus les activités économiques. L'espace, c'est avant tout un lieu dans lequel on fait des affaires, si je peux dire. Et l'autre étape, parce que il faut avancer un peu dans la frise chronologique, il y a évidemment donc ce traité de l'espace signé en 67, et puis il n'y a pas que Donald Trump qui voulait une Space Force 35 ans avant. Le premier discours un peu historique, disons, sur la militarisation de l'espace, c'est celui de Ronald Reagan sur la Strategic Defense Initiative. Écoutez. What if free people could live secure in the knowledge? Que se passerait-il si les personnes libres pouvaient vivre en sachant que leur sécurité ne repose pas sur la menace de représailles immédiates des États-Unis visant à décourager une attaque soviétique? Si nous pouvions intercepter et détruire des missiles balistiques stratégiques avant même qu'ils n'atteignent notre propre sol ou celui de nos alliés? Je sais que c'est une tâche formidable, une tâche technique qui ne peut pas être accomplie avant la fin de ce siècle. J'appelle à la communauté scientifique de notre pays, ceux qui nous ont donné l'arme nucléaire, à utiliser leur immense talent pour préserver l'humanité et la paix mondiale, à nous donner les moyens de rendre ces armes nucléaires impuissantes et obsolètes. Ce discours de Ronald Reagan, c'est la levée du voile pour le grand public, c'est-à-dire que là maintenant on parle ouvertement de course militaire à l'espace. Ça n'est Alors plus... oui, ce qui est intéressant dans ce discours et dans ce bouclier stratégique qu'on appelait la guerre des étoiles, l'initiative de défense stratégique, c'est que là on fait une jonction inverse de l'espace et du stratégique. C'est-à-dire que là, l'espace va servir, dans l'esprit de Ronald Reagan, finalement, à s'affranchir de la dissuasion mutuelle. Parce qu'aux États-Unis, on a quand même beaucoup de mal à vivre dans une situation où, finalement, la paix est garantie par une menace réciproque. Et ça, c'est pas tout à fait dans l'esprit américain, surtout pas dans celui de Ronald Reagan. Et donc, l'espace, là, devient le moyen de s'en affranchir et de reprendre une certaine posture de dominant dans le rapport de force. Alors, évidemment, il va s'avérer que ce sont des promesses qui vont être difficiles à tenir, parce que la physique, parce que la technologie ne le permet pas, parce que, eh bien, il y a beaucoup de chances que la capacité offensive en dépasse la capacité défensive. Mais c'est quelque chose qui a profondément bouleversé le secteur spatial américain, qui vit encore aujourd'hui sur la lancée de ces énormes programmes de recherche qui ont été engagés dans ce cadre et qui aujourd'hui ont permis, c'est une conséquence indirecte, au spatial américain et plus largement aux technologies de l'information, de l'Internet, etc., de prendre un essor considérable outre-Atlantique. C'est-à-dire que Jérôme de Lespinoy, cette phase qui est lancée par le discours de Reagan, cette Strategic Defense Initiative, c'est finalement l'espace comme lieu, comme terrain d'interception, en fait. Maintenant, il faut pouvoir intercepter avant l'autre grâce à un certain nombre d'appareils, de dispositifs militaires. Oui, alors, il y a à la fois des technologies qui étaient anciennes, qui sont intégrées. C'est la capacité à détecter à partir de l'espace des départs de missiles balistiques. Ça, c'est assez ancien. Ça se développe dès les années 1960. Et ce qu'il y a de nouveau, et vous le dites bien, dans l'IDS, l'Initiative de Défense Stratégique, c'est mettre des armes dans l'espace et mettre en particulier des lasers dans l'espace qui sont capables de détruire des missiles balistiques, donc qui quittent l'atmosphère dans l'espace, à leur apogée. Et ça, comme l'a dit Xavier, c'est un point qui est essentiel. Il y a eu une masse d'investissements dans le secteur spatial, et aujourd'hui, on vit sur le produit de ces investissements. C'est-à-dire que l'hégémonie spatiale américaine aujourd'hui, qui est une réalité, puisque plus de 40% des satellites en orbite aujourd'hui sont des satellites américains, à peu près 900 satellites sur les 2000 satellites actifs aujourd'hui. Ça, c'est un fruit de la guerre des étoiles. Cette stratégie d'interception, ce qui va changer aussi dans les années 90 jusqu'à la fin du 20e siècle, c'est la multiplication des acteurs spatiaux. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde va vouloir avoir un peu son petit satellite et on passe à la phase de renseignement plutôt à ce moment-là. Oui, alors c'est ça. Ce qui se développe dans les années 90, là encore à l'initiative des États-Unis, mais ça va vite se diffuser, c'est un lien nouveau qui se crée entre technologie spatiale et monde de l'information et maîtrise de la chaîne de l'information. Tout le monde considère que dans cette ère post-guerre froide, le mur est tombé, reprenons ce cliché, l'URSS n'existe plus, s'est transformé en Russie. Donc il va falloir exercer son pouvoir, sa puissance d'une manière différente dans tous les domaines, économiques, technologiques, évidemment militaires. Mais tout cela mêle finalement des technologies qui sont jugées stratégiques. Et la technologie spatiale et la technologie informationnelle se marient très bien pour faire, si vous voulez, pour être un vecteur de puissance particulièrement efficace. C'est le pari américain, c'est le pari de l'administration Clinton notamment, qui va effectivement lancer à cette époque, dans les années 90, ce mariage, je dirais, aussi bien au plan militaire, c'est ce qu'on appelait la révolution des affaires militaires du côté du Pentagone, mais il faut se rappeler que du côté civil, il y avait un pendant, c'était les autoroutes de l'information, chères au vice-président Al Gore, et tout ça a lancé l'Internet, en réalité, et tout ça a lancé, eh bien, la capacité à faire se parler des machines et à les rendre de plus en plus intelligentes. À la localisation aussi. Absolument. La technologie GPS, elle est déployée à ces moments-là. La technologie GPS est déployée à ce moment-là, et puis il y a une autre dimension qui intervient à ce moment-là, dans les années 90, c'est le moment où les Américains sont seuls, finalement, d'une certaine manière en tant que superpuissance, hyperpuissance, et vont commencer à mener des conflits régionaux, à s'engager dans des opérations militaires. Et le symbole le plus évident d'un point de vue spatial, c'est le commencement de l'utilisation du GPS pour des munitions guidées. Et ça va symboliser ce retour du lien de l'espace qui était un espace stratégique très lointain à un espace qui s'approche du combattant et du combat. Jérôme de Lespinois, la France se lance elle aussi dans cette aventure militaire spatiale officiellement en 95 avec Helios 1. Alors, la France s'est lancée avant. Mais... avant, Helios 1. D'abord, elle utilisait des capacités civiles en matière d'observation. Toute la lignée des satellites SPOT. Et puis, en matière de communication, elle avait auparavant lancé les satellites Syracuse. Les premiers satellites militaires sont des satellites de télécommunication. On utilise même des répéteurs militaires sur des satellites de télécommunication civiles. La naissance, les premiers projets, moi il y a un projet que j'aime bien, dont on parle pas beaucoup, c'est le projet SAMRO, je parle régulièrement, est un projet d'observation. Qu'est-ce que c'est? Parlez-nous alors un peu de ce projet SAMRO. SAMRO, c'est un satellite d'observation qui est conçu à la fin des années 60, au début des années 1970, et qui a pour but principal de s'inscrire dans cet espace stratégique dont parlait Xavier Pascaud, c'est-à-dire d'être au service de la force de dissuasion, de pouvoir repérer, localiser les objectifs de la force de frappe nucléaire française. Mais c'est un satellite qui va être, et c'est une des dimensions de l'espace qui, quand Giscard va trouver ce projet dans les cartons, qui va être internationalisé. Tout au moins, Giscard va proposer de l'internationaliser à la tribune de l'ONU pour contrôler les mesures de désarmement. Et c'est une autre dimension de l'espace, c'est cet aspect international et de l'espace et partage des capacités spatiales. Donc, SAMRO, c'est le premier projet de satellite militaire d'observation. Il y a eu les premières réalisations, c'est dans le domaine des télécommunications. Et puis, il y a eu la lignée des satellites Helios. Et maintenant, le premier en 95, donc, et jusqu'au début des années 2000, fin 2000. Voilà, qui est remplacé aujourd'hui par une composante spatiale d'observation dont on vient lancer le premier satellite en décembre dernier. Mais alors, ce programme Helios, parlez-nous-en un peu, parce que là, on est à la fin de la guerre froide, lancé en 95. À quoi il sert et pourquoi est-ce qu'on cite souvent Helios comme étant le premier déploiement d'une couverture de renseignements satellites vraiment à objectif stricto sensu militaire? Oui, alors Ce renseignement d'origine image spatiale, il est capital pour l'autonomie stratégique du pays. C'est-à-dire que la capacité d'acquérir des images sur les théâtres d'observation, d'acquérir non seulement les coordonnées des objectifs de la force de frappe, mais aussi avec le déploiement des opérations extérieures dont parlait Xavier Pascaud, américain, mais aussi français. Les Français participent à la guerre du Golfe, ou confiés en ex-Yougoslavie, ou en Afrique ou au Moyen-Orient. Et donc il faut que la France puisse juger elle-même de la situation et une propre autonomie d'appréciation stratégique de la situation. Et il y a eu quelques affaires fameuses lorsque les Américains ont montré des clichés au président Mitterrand lors d'une crise au Tchad en 1986 je crois, et puis pour leur montrer un dispositif libyen particulier, et puis ensuite ont repris les clichés, les ont pas laissés au président François Mitterrand, et donc la France a été un peu vexée de ce manque de confiance et puis de pas avoir ses propres moyens d'appréciation autonome de la situation. Il y a eu des épisodes lors de la guerre d'Irak en 2003 et avant en 1998 à propos de l'Irak également, où il a été utile pour que la France ait une appréciation stratégique libre d'avoir des propres moyens d'observation. Xavier Pascaud, sur ce programme Helios, effectivement. Oui, alors on a aussi, Helios, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça crédibilise aussi... La France se caractérise par le fait qu'elle a une force de dissuasion, qu'elle est un acteur stratégique majeur, et l'espace participe de cette image. Et peut participer techniquement, on a rappelé la capacité à cibler, mais on a le sentiment que toute puissance nucléaire digne de ce nom, finalement, doit avoir sa propre composante spatiale. Et d'une certaine manière, on peut dire que la dissuasion passe par le spatial de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est une forme, ça permet une forme d'affichage. Et là encore, et on rejoint ce qui se passe dans le monde civil, ça donne un statut. Le fait d'avoir des moyens militaires, quels qu'ils soient, autonomes, comme il vient d'être dit, vous confère automatiquement un statut différent des autres. Et c'est par exemple toute la particularité du statut de la France dans le Conseil européen aujourd'hui. Alors l'Allemagne a compris ça. L'Allemagne a eu besoin de son autonomie stratégique, d'acquérir une forme d'autonomie stratégique, notamment sur le théâtre est-européen au moment des conflits au Kosovo, etc. Il se trouve que le meilleur moyen de le faire, c'était plutôt du satellite radar que du satellite optique, parce qu'il y a beaucoup de nuages, des choses comme ça. Mais et c'est surtout ce que ça véhicule, c'est-à-dire que ça donne à l'Allemagne, en l'occurrence à cette époque-là, bien la possibilité d'expliquer que ils ont, voilà, c'est un signal. Jérôme de l'Espinois. Et pour redonner un exemple dans la lignée de ce que disait Xavier, le Japon a lancé un programme de satellites d'observation en 1998 parce que les États-Unis ne les avaient pas prévenus d'un tir de missile balistique nord-coréen. Et c'est à la suite de cet incident diplomatique que les Japonais ont décidé de lancer leur propre programme spatial pour avoir une autonomie stratégique de décision. Ouais. Et ce qui participe, et pour sur cette question de l'autonomie stratégique, on y reviendra peut-être, je ne sais pas, mais c'est non seulement d'avoir des capacités de reconnaissance, d'acquisition du renseignement image, mais c'est aussi l'accès à l'espace. On n'en a pas parlé, mais il y a très peu, il y a beaucoup de puissances qui ont des satellites d'observation. Les Émirats, on a vendu des satellites très performants aux Émirats Arabes Unis, des satellites européens. Mais ce qui est le plus important dans cette autonomie stratégique, c'est la capacité de mettre en orbite ces satellites. C'est l'accès à l'espace. C'est l'accès à l'espace. L'accès à l'espace, c'est une autre émission que nous aurons parce que c'est un vaste débat dont on en a parlé déjà régulièrement ici avec Xavier Pascaud. Mais on voit bien que, effectivement, l'autonomie stratégique de décision, le renseignement, la capacité d'observer, la capacité de téléguider. Mais quand on approche du présent, on se rend compte que ça n'est plus suffisant et qu'il faut aussi avoir la capacité de nuire dans l'espace. Comment résister à la marche impériale de John Williams quand on parle de la Space Force, ou en tout cas de la militarisation de l'espace? Eh bien, nous n'avons pas résisté, voilà, vous venez de l'entendre. Nous parlons donc de ces questions de la militarisation, de l'arsenalisation de l'espace en compagnie de Jérôme de Lespinois, qui est lieutenant-colonel de l'armée de l'air et chef de la division recherche au CERPA, et Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Mais à 16h30 sur France Culture et dans les méthodes scientifiques, comme tous les mercredis, c'est l'heure de la recherche montre en main. Voilà, tous les mercredis, un doctorant ou une doctorante vient nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Clara Lopata. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse à l'Institut du droit de l'espace et des télécommunications de l'Université Paris-Sud. Vous travaillez sur la viabilité à long terme des activités spatiales. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci. Donc, les activités spatiales sont une part inhérente de nos sociétés modernes, que ce soit au niveau civil avec les télécommunications par satellite, les prévisions météorologiques ou le GPS par exemple, ou au niveau militaire notamment dans le renseignement stratégique ou le déroulement des opérations. La quantité d'applications des technologies spatiales ne cesse d'augmenter et avec elles, on voit une multiplication des acteurs dans l'espace. Si au début de la conquête spatiale, seuls les États utilisaient l'espace, aujourd'hui de plus en plus d'acteurs privés se font une place non négligeable dans le secteur. Ainsi, on a pu observer une croissance rapide du nombre de satellites en orbite et une prolifération inquiétante des débris spatiaux générés par les lancements ou les désintégrations de satellites en fin de vie, ou par des collisions accidentelles ou non. On estime aujourd'hui qu'il y a des millions d'objets en orbite dont seule une infime partie est suivie et surveillée, ce qui peut entraîner des dégâts imprévus et importants. En effet, même un objet de la taille d'une particule de peinture peut avoir des effets désastreux. Par exemple, la navette spatiale américaine a vu ses hublots être remplacés une cinquantaine de fois en raison de dommages causés par une particule de peinture. L'évolution de l'environnement extra-atmosphérique implique la mise en place de règles de bonne conduite pour assurer une meilleure sécurité des activités dans l'espace. Pour cela, plusieurs projets ont vu le jour. Au début des années 2000, la Russie et la Chine ont proposé un projet de traité sur la prévention et le placement d'armes dans l'espace extra-atmosphérique et les menaces ou l'utilisation de la force contre des objets spatiaux, qui avait pour but de renforcer l'article 4 du traité de l'espace qui n'interdit que le déploiement d'armes de destruction massive. Cependant, ce projet a rencontré l'hostilité des pays occidentaux et a finalement été suivi par une étude sur les mesures de transparence et de confiance relatives aux activités spatiales. Par la suite, en 2007, l'Union européenne a développé un code de conduite pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique afin de renforcer la sécurité des activités spatiales, mais celui-ci n'a pas non plus abouti. Depuis 2010, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique au sein des Nations Unies a mis en place un groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales qui avait pour objectif de produire des lignes directrices. Donc les lignes directrices sont des standards de bonne conduite qui ne sont pas contraignantes pour les États. Ceux-ci les appliquent sur la base du volontariat. Le Comité des Nations Unies agit sur la base du consensus, ce qui lui permet d'avoir un poids plus fort qu'une simple résolution adoptée aux deux tiers. Mais en effet, depuis 1979, donc depuis l'accord sur la Lune, plus aucun traité n'a vu le jour sur l'espace et la soft law est privilégiée. Donc la viabilité se définit comme la capacité de continuer à mener des activités spatiales indéfiniment dans l'avenir, d'une manière qui permette d'atteindre les objectifs d'un accès équitable aux avantages de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, en vue de répondre aux besoins des générations actuelles tout en préservant l'environnement spatial pour les générations futures. Pour cela, les lignes directrices se concentrent sur la question des débris spatiaux, la sécurité des opérations dans l'espace, la gestion optimisée du spectre des fréquences radioélectriques, la météorologie de l'espace et des autres causes naturelles et les mécanismes internationaux existants pour améliorer la sécurité des activités spatiales. Si à l'origine, ces lignes directrices devaient voir le jour en 3 ans, il n'en est rien. Et après 8 ans de travail sur le sujet, le groupe de travail a finalement abouti à l'adoption de 21 lignes directrices et d'un préambule durant la réunion de juin 2018. Mais ces lignes n'ont finalement pas été entérinées par le comité au vu des divergences d'opinion des États quant à la continuation du travail et la forme finale que devaient endosser ces recommandations. Ainsi, la question est toujours à l'ordre du jour, mais aucun texte officiel n'a été adopté. Et le sujet de ma thèse est d'étudier en fait les mécanismes de production des normes au sein des Nations Unies quant à la viabilité et le contenu des lignes directrices en cours. Merci beaucoup Clara Lopata. Oui, une réaction peut-être Xavier Pascaud. Je crois que cette thèse touche à un sujet extrêmement brûlant. Effectivement, comme il vient d'être brillamment rappelé, des projets de régulation du milieu spatial sont en compétition avec évidemment des arrière-pensées politiques, des arrière-pensées de toute nature. on est vraiment aujourd'hui sur ces sujets, eh bien au cœur de la confrontation des grandes puissances. Et donc, effectivement, aujourd'hui, voir comment on peut assurer la sécurité collective, parce que c'est ça l'enjeu, c'est quelque chose de majeur. Jean-Benoît Espinois. Alors effectivement, je pense qu'elle pose très bien, Clara pose très bien l'enjeu de l'espace en tant que bien commun, en tant qu'espace commun. Et là, c'est une conception très européenne, ça. C'est une conception, si vous me permettez. Très française même. Ça dépend. Après ça, il y a l'utilisation de ces biens communs, de ces espaces communs. Le bien commun, c'est quelque chose, c'est une définition économique, si je peux dire. Il y a plusieurs conceptions qui s'affrontent, effectivement. Elles ont bien été résumées par un ouvrage qui est assez ancien d'un biologiste qui s'appelle Garrett Harding, The Tragedy of Commons, qui a été publié en 1968, et qui décrivait que ces biens communs, si on les laissait comme ça, sans exploiter, sans règles, par divers particuliers, ils s'appauvrissaient. Et donc, il fallait réguler l'utilisation des biens communs avec plusieurs modèles, trois modèles principaux. Un modèle où ils étaient appropriés par l'État, et puis un modèle où ce sont les sociétés privées qui géraient ces biens communs. Et aujourd'hui, l'idée des États-Unis, c'est sans doute de réguler ces biens communs en donnant la gestion à des sociétés privées. Parce que derrière cette l'augmentation de... Vous parlez de SpaceX, hein, notamment, qui est prêt à collaborer avec l'État américain. Il y a SpaceX, mais derrière cette idée de force spatiale, d'augmentation de la conflictualité, il y a des enjeux économiques qui sont énormes. Xavier l'a dit, l'espace, c'est le lieu qui est lié à la société de l'information, à la numérisation de la société, de nos sociétés. Et donc, toutes ces données numériques, elles passent par l'espace. Et s'approprier ces données, ou tout au moins pouvoir les gérer, contrôler l'approvisionnement, les flux de ces données numériques, c'est un enjeu énorme. D'ailleurs, le PDG d'Airbus aimerait bien que l'Europe se calque sur le modèle américain qui soit associé justement à ce déploiement, mais on y reviendra tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle maintenant du présent, de l'état actuel des choses et de cette arsenalisation de l'espace et notamment des capacités d'observation et de renseignement. Bonjour Tom Mendelsohn. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherche Spatiale, pour comprendre comment les radars parviennent aujourd'hui à repérer des satellites espions. Oui, j'ai d'abord rencontré Florent Muller, responsable du programme militaire GRAVE. Il m'a expliqué comment fonctionne ce radar. Son réseau d'antennes émet une onde électromagnétique pour repérer les satellites étrangers qui auraient le malheur d'espionner le sol français, un outil clé du renseignement. Puis, sur le toit d'un bâtiment de l'ONERA, j'ai rencontré Stéphane Saillant, chef du projet Abyss. Il m'a présenté le récepteur de cet autre radar, démonstrateur européen, qui sonde les débris dans l'espace, ce qui permet aux fusées comme aux satellites d'éviter de croiser leur route. Le système GRAVE est composé d'un radar qui est distribué sur deux sites, un site d'émission qui se trouve près de Dijon et un site de réception qui se trouve sur le plateau d'Albion à quelques centaines de kilomètres plus au sud. Le site d'émission émet une onde électromagnétique à une fréquence qui est relativement basse dans le domaine radar, c'est le domaine VHF. Cette onde est émise de manière continue. Sur une fréquence pure, un peu comme un diapason. Cette onde, parce qu'elle est basse fréquence, va se propager facilement à plus grande distance, jusque dans l'espace, va être réfléchie par les satellites qui vont traverser la barrière que vont former les faisceaux et vont être réfléchies jusqu'au site de réception. Au niveau du site de réception, il y a un grand réseau d'antennes qui va capter ce signal reçu, un calculateur qui va ensuite analyser ce signal. La fréquence qui a été émise va être décalée légèrement par l'effet qu'on appelle l'effet Doppler et ça va permettre de déterminer qu'il y a un satellite dans une direction donnée et d'estimer sa vitesse. Ça va permettre de créer des mesures d'une direction et d'une vitesse qui vont être transmises sur un troisième site qui lui est équipé d'un calculateur qui va associer ces mesures pour identifier les détections successives d'un satellite et ainsi permettre de reconstituer son orbite lors du passage du satellite et son orbite d'un passage à l'autre, y compris à plusieurs heures d'écart. Et ça, il va le faire pour des milliers de satellites dans la journée qui vont passer régulièrement et va ainsi permettre de constituer ce qu'on appelle le catalogue d'orbite, c'est-à-dire les données orbitales de l'ensemble des satellites qui vont passer en visibilité. C'est-à-dire que GRAVE est obligé, de par son fonctionnement, d'observer tous les objets qui sont à sa portée et de distinguer chacun d'entre eux. Exactement, c'est bien le principe même de la surveillance. Il a un champ d'observation très très large qui va justement lui permettre de détecter l'ensemble des satellites qui vont croiser ce champ de vue qui va d'un horizon à l'autre et d'assurer du coup une revisite suffisante, c'est-à-dire une réobservation régulière des satellites qui sont indispensables à la création et au maintien du catalogue. Qu'est-ce qui se passe quand on a un objet qui n'appartient pas au catalogue qui est déjà constitué ? On va attendre de pouvoir le revoir pour être sûr que ce soit bien un nouvel objet et on va l'ajouter au catalogue. C'est toute la force de Grave, c'est qu'il n'a pas besoin de données extérieures, c'est qu'il peut partir de zéro et de manière complètement autonome détecter les objets, les nouveaux objets, sans dépendre de quiconque à l'extérieur. Et c'est ça qui en fait la force, ça fournit à la France une autonomie stratégique pour détecter les satellites. Alors là, actuellement, nous sommes dans le laboratoire en fait, qui contient les équipements de réception donc, du radar Abyss. Donc, le radar Abyss, c'est un radar qui fonctionne en plus haute fréquence que Grave, qui a donc été désigné pour la détection des débris dans l'espace. En fait, c'est un projet financé par l'ESA. Et pour l'instant, donc, ce démonstrateur est capable de détecter des objets de l'ordre de la taille des satellites quoi, et des gros débris. Alors, quel bruit de fond est-ce qu'on entend ici? Alors, ce que nous entendons actuellement, c'est principalement le calculateur en fait, du radar, puisque nous avons coupé les récepteurs pour l'instant. Si les récepteurs étaient en marche, on aurait beaucoup plus de ventilateurs qui tourneraient, on aurait un bruit de fond assez infernal. Ici, donc là, je vous présente une illustration en fait, de ce système. C'est donc un ensemble de shelters qui contiennent donc tous les équipements électroniques pour générer le signal, sur le même principe que Grave, c'est une porteuse pure donc. Avec donc une antenne sur le toit, une antenne qui représente une surface d'environ 1,5 mètre carré et qui permet en fait de générer donc un faisceau que nous promenons dans un secteur de 30 degrés d'ouverture dans l'espace. Et quand un objet passe au travers de ce secteur, bien il est détecté, enfin il est illuminé par notre faisceau d'émission et cet objet va renvoyer un signal vers notre antenne de réception qui elle est installée ici à Palaiseau sur le toit de notre bâtiment à Almenara. Alors maintenant, nous sommes sur le toit du bâtiment et nous avons devant nous en fait l'antenne de réception qui est orientée donc plein sud. Donc notre antenne d'émission qui elle est à 80 km d'ici en Normandie est elle aussi orientée plein sud. Donc les deux faisceaux des antennes se recouvrent et donc permettent ici donc du point de vue réception de recevoir le signal renvoyé par les satellites lorsqu'ils ont traversé le faisceau généré par notre émission. Donc là actuellement notre antenne est couchée. Nous avons donc des détecteurs en fait qui permettent de la rabattre en cas de vent fort hein, pour éviter donc des accidents. Et je vais donc vous lever l'antenne en fait actuellement pour vous l'orienter donc direction sud avec un angle d'élévation de l'ordre de la trentaine de degrés. Ici nous sommes à la réception. C'est une antenne carrée en fait qui contient ainsi un certain nombre d'éléments élémentaires, d'antennes élémentaires qui sont des patchs et qui donc peuvent recevoir cette fréquence puisque nous sommes à une fréquence assez élevée et associés les uns avec les autres permettent eux aussi de former un faisceau. Ce faisceau formé à la réception est beaucoup plus petit que celui formé à l'émission. Pourquoi ? Parce que nous en formons plein de petits faisceaux de réception simultanément pour justement identifier les objets qui passent au travers de notre faisceau d'émission qui est beaucoup plus large. Et avec toutes ces informations, nous sommes capables de reconstruire la trajectoire de l'objet détecté. Quel est l'intérêt aujourd'hui de détecter tous les débris qu'on trouve dans l'orbite de la Terre ? C'est donc d'avoir un catalogue en fait, de tous ces objets, y compris des plus petits, pour maîtriser la trajectoire de nos satellites dans l'espace et éventuellement éviter des collisions qui pourraient être létales en fait, pour nos satellites, puisque un panneau solaire perforé par même un tout petit objet, ne serait-ce qu'une écaille de peinture, peut devenir inutilisable suite à cette collision. Voilà la fameuse écaille de peinture qui conduit à une réaction en chaîne. Il y a un film qui parle de ça, qui s'appelle Gravity. Mais ça n'est pas qu'un film, Jérôme Delespine. Une réaction peut-être d'abord à ce système Grave, qui est un système franco-français, qui est important dans la stratégie militaire française. Qui est capital, puisque c'est un maillon qui permet d'établir la situation spatiale, qui est, dont qui est établie par l'armée de l'air. Et cette situation spatiale, elle a une importance nouvelle du fait du développement de la conflictualité intraspatiale dont parlait Xavier Pascaux. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir non seulement repérer les satellites, connaître leur altitude, connaître leurs paramètres orbitaux, mais il faut savoir aussi quelles sont leurs capacités, être capable de déterminer si ils changent d'orbite, s'ils se rapprochent d'autres satellites, de nos satellites, pour les espionner, pour les brouiller, pour les détruire, et savoir donc où sont nos propres satellites, où sont les satellites des autres, pour pouvoir savoir ce qui se passe réellement dans l'espace, parce que l'espace c'est un milieu qui est immense, hein, Gravity, vous avez cité Gravity, on le voit bien dans Gravity, c'est un milieu qui est immense, donc on sait très peu ce qui se passe. Aujourd'hui, si on perd un satellite, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il y a eu une collision avec un débris, on ne sait pas si c'est une action malveillante, s'il a été détruit, si ce sont des petits martiens qui sont venus le capturer. En ordre croissant de probabilité, c'est ça, décroissant plutôt alors. Donc on ne sait pas exactement. Et aujourd'hui, donc on a besoin de savoir. C'est la première étape. Xavier Pascaux, ce qui est intéressant, c'est que évidemment cette conflictualité intraspatiale, elle a ses particularités. On ne fait pas la guerre dans l'espace comme on fait la guerre sur mer, sur terre, dans les airs. C'est encore autre chose, comme vient de le dire Jérôme de Lespinois. Oui, c'est-à-dire que bon, l'espace, et notamment avec la Space Force, l'idée qui a été véhiculée presque immédiatement après que le président Trump ait annoncé cet objectif, c'était qu'on enverrait peut-être des soldats dans l'espace. Alors évidemment, il ne s'agit pas de ça. Hein. L'espace, c'est d'abord des gens qui sont au sol derrière des ordinateurs et qui, comme le disait Jérôme de Lespinois, prennent vraiment soin de savoir ce qui se passe le mieux possible, prennent soin aussi de garder les satellites en vie, ça c'est très important. Il y a deux types, finalement, d'intervenants sur un satellite. Il y a celui qui garde ce qu'on appelle les liaisons de service, c'est-à-dire qui garde en fait le satellite, le fait que le satellite fonctionne, et puis il y a les gens qui s'occupent des données que ce satellite transmet. C'est essentiellement ça. Et donc effectivement, aujourd'hui, les objets qui sont dans l'espace sont susceptibles d'être affectés par tout un tas de phénomènes, alors qu'ils peuvent être des phénomènes naturels. Une éruption solaire peut causer des pannes sur un ou plusieurs satellites. Il faut comprendre si cette panne provient effectivement de cet événement naturel, ou si au contraire, par exemple, quelqu'un s'est caché un peu derrière l'événement pour peut-être envoyer un petit flux d'énergie. Tout ça, ça reste encore un tout petit peu de la science-fiction, mais on voit bien que ces choses-là commencent à être pensées, et donc inquiètent. Ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce qu'on entend, hein, depuis les travaux de Clara Lopata jusqu'au reportage sur Grave, c'est que on pourrait se dire, c'est simple finalement, détruire des satellites dans l'espace, poum, on envoie un missile, ça explose. On n'en parle plus. C'est ce qu'a fait la Chine en 2007. Le problème, c'est que ça, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ça n'est plus possible. On ne détruit plus les satellites dans l'espace parce que ça crée des débris, et que les débris, l'effet gravity dont on parlait, ça a un nom, hein, ça s'appelle le syndrome Kessler, et cette réaction en chaîne qui conduirait vraiment à une sorte de cataclysme orbital, c'est un schéma auquel tout le monde et toutes les armées internationales font attention. Jérôme de Lespinois. Oui, vous parlez du syndrome Kessler, qui effectivement qui a été théorisé par deux scientifiques de la NASA en 1978, donc c'est quelque chose qui est pas nouveau, et ces deux scientifiques de la NASA avaient calculé que avec quelques destructions ciblées de gros satellites, on était capable de produire des gros débris qui ensuite allaient produire, heurtant d'autres satellites, d'autres débris, puis des petits débris pour finir, tout détruire et interdire complètement les orbites basses, hein, parce que là encore on parle que ça soit pour Grave par exemple, pour l'établissement de la situation spatiale à partir de moyens radar, on parle des orbites basse et encore plus difficile de ce qui savoir de 400 km. Alentours de 400 km. C'est encore plus difficile de savoir ce qui se passe aux orbites géostationnaires, c'est-à-dire à 36 000 km d'altitude, où là les moyens radars sont insuffisants et on utilise des moyens optiques. Donc en ce qui concerne ces orbites basses, il y a déjà énormément de débris, et des débris supplémentaires mettent en cause la sécurité de tous les moyens spatiaux qui circulent. Et d'ailleurs, on en reparlera dans le journal des sciences de vendredi. Hein. Il y a des stratégies comme de nettoyage, de dépollution qui sont mises en œuvre pour pouvoir retirer, essayer de récupérer une partie de ces débris qui sont effectivement très dangereux. pour la sécurité spatiale, Xavier Pascaut. Alors là encore, sur ce sujet précis que vous abordez, immédiatement ça pose un problème politique, parce qu'effectivement, des agences spatiales, notamment l'agence spatiale européenne, s'est fait un peu le champion de ces techniques, qu'on appelle les techniques de débris removal, enfin en anglais, donc de retrait de débris. Et ça implique quoi? Ça implique qu'un système spatial aille vers ce débris, ou vers un objet, et puis le capture, le harponne, lui jette un filet, etc. Évidemment, dès que vous faites ça, vous faites potentiellement une arme spatiale. Et donc, on passe tout de suite du débat scientifique et technologique au débat politique. Donc tout ça avance très lentement et c'est assez compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017, on sait, cette histoire de piratage d'Athéna Fidus aujourd'hui, c'est un acte de piratage délibéré? On est au courant de ce qui s'est passé ou c'est encore un peu obscur, Jérôme de l'Espinois? Or, ce sont des choses qui sont d'abord très pas publiques. Et ensuite, on a pu observer, et c'est ce que le ministre a dit à Toulouse, qu'un satellite d'origine russe s'était approché d'un satellite Athéna Fidus franco-italien. Et pour y faire, on ne sait pas trop quoi. Mais c'est pas la première fois. Il marchait moins bien avant qu'avant. Il marchait moins bien après qu'avant. C'est pas la première fois non plus que ça est arrivé. Donc ça. Ça correspond également à un moment politique, hein, des satellites qui se déplacent en orbite géostationnaire. Il y a eu déjà différents épisodes avec des satellites de différentes nationalités. Et donc c'est quelque chose que nous, Français, on a découvert assez récemment, parce que auparavant on n'avait pas les moyens d'observer ces orbites géostationnaires. Il fallait des optiques très puissantes, et c'est grâce au CNES et aux moyens optiques du CNES qu'aujourd'hui on peut avoir une meilleure connaissance de la situation spatiale autour de nos satellites militaires en orbite géostationnaire. D'un point de vue technologique, il y a d'autres solutions. Il y a la solution évidemment espace-espace, celle que nous sommes en train d'évoquer. Les Russes ont déployé fin 2018 des canons laser Peresvet. Le but de ces canons laser, c'est pas de détruire, mais c'est d'aveugler, de gêner les satellites, finalement, de les incapaciter, quoi. Alors, Pascaut. C'est toujours pareil, si vous voulez. On fait avec du rayonnement laser, on fait d'abord de la situation de satellite. Ça permet de savoir très précisément, ce qu'on appelle du ranging en anglais, très précisément quelle est la trajectoire d'un satellite, et ça peut être utilisé de manière tout à fait anodine, et je dirais à la limite pour constituer un catalogue plus précis pour empêcher les collisions, etc. Ça se fait tous les jours, les principaux pays disposent des satellites. Après, la manière d'utiliser ces lasers, et puis évidemment le type de laser, bien sûr, et la question n'est plus très très claire, à ce moment-là c'est en général effectivement pas public, eh bien on a toujours ce sentiment qu'on est à la marge finalement, qu'on est à la marge d'une utilisation pacifique ou non pacifique. Aujourd'hui, les tirs laser qui sont effectués depuis les principaux pays, c'est pour faire d'abord de l'évaluation de situation. Donc, on a des données radar de grave, par exemple, et on peut vouloir confirmer ces données radar avec un instrument un peu plus précis qui est un laser. Le LIDAR. Par exemple, un lidar. On peut avoir ce genre de choses qui peuvent se faire depuis aussi. Les Alpes de Provence, etc. Mais ça, ce sont des choses qui sont dures. Par exemple, on cherche souvent à savoir ce que deviennent les étages de fusée, parce que ce sont des gros objets qui retombent, et on veut vraiment comprendre un peu comment ça va rentrer. La problématique de la rentrée, de le calcul de la chute, c'est toujours quelque chose de très sensible. Donc, on va faire de la télémétrie à laser là-dessus. Alors, évidemment, en développant ces techniques, on développe effectivement des techniques qui peuvent contribuer à l'aveuglement d'une optique, par exemple, ou à la saturation d'une électronique, etc. Et là, on rentre dans un domaine qui reste encore aujourd'hui plus de l'expérimentation un peu discrète, je pense, que du développement déclaré d'armes. Jérôme de l'Espinois, vous confirmez ça? On n'est pas encore à la stade de développement, d'industrialisation de ce type de technologie? D'industrialisation et de mise en place opérationnelle, non. Il y a des expérimentations de laser à haute puissance, à la fois par, vous avez cité les Russes, hein, mais il y a les Américains, je crois que c'est les Américains qui sont, Xavier confirmera, qui sont le plus en avance sur ces lasers de haute puissance, mais de toute manière, ce sont des lasers qui restent à terre. Hein. Parfois, oui. C'est tellement, aujourd'hui, tellement gros, ça tient beaucoup de place, c'est très lourd, donc c'est des choses qui restent à terre et qui sont pas capables de détruire un satellite, mais qui sont capables de détruire ses capteurs. D'où de faire griller ses circuits, en gros. Et donc, l'une des stratégies qui est mise en place, on imagine évidemment dans tous les cercles de réflexion stratégique, tout ça va se généraliser, etc. Et donc, maintenant, la question qui se pose, indépendamment du fait de savoir si ça s'industrialise ou non, c'est de savoir comment on va résister à ça. Et donc, l'une des stratégies stratégie qui semble être choisie aujourd'hui pour Israël, c'est de multiplier les satellites. Alors peut-être des plus petits satellites, mais qui vont être plus nombreux. Donc vous en toucherez un, éventuellement vous allez l'affecter, mais ce sera moins grave que si vous n'en avez qu'un, gros, très sophistiqué. C'est un peu ce qu'on appelle la résilience aujourd'hui. La grande redondance. La grande redondance, voilà. Et donc les méga-constellations dont on parle, ça fait aussi partie de ce jeu. Quel est aujourd'hui, est-ce que la France aujourd'hui a les moyens stratégiques de faire cavalier seul dans ce type d'aventure d'arsenalisation de l'espace, Jérôme Delesfinois, ou est-ce qu'il faut que ça se passe au niveau européen ? Non, bien sûr que non. On parle, les États-Unis, il y a une hégémonie des États-Unis sur l'espace. C'est la première puissance spatiale. Nous, on est très petits. Hein. On a une dizaine de satellites militaires. On a des satellites d'ailleurs qu'on exploite avec des pays européens, notamment dans le domaine du renseignement image. L'aventure spatiale, dès le début, elle est européenne. Hein, et peut-être ajouter dans ce contexte de Brexit que la Grande-Bretagne a joué un rôle capital, tout au moins dans les capacités de l'accession à l'espace. Et donc, on a besoin de l'Europe pour les lanceurs. Il y a un gros projet qui est le projet Ariane 6 sur lequel les pays européens se sont mis d'accord avec difficulté, mais ça fonctionne. Et puis il y a d'autres capacités techniques, mais on a en unissant tous nos efforts beaucoup de possibilités au point de vue scientifique. On est parmi les très grandes puissances spatiales. Si on regarde aujourd'hui, donc il y a les États-Unis qui sont la première puissance spatiale. Il y a la Russie, mais dont les capacités ou tout au moins le nombre de satellites est sur une pente déclinante. Il y a la Chine qui aujourd'hui est une puissance spatiale qui monte, qui c'est de mémoire 13% des satellites en orbite, mais ça augmente chaque année un peu plus. Il y a un rapport de force qui est en cours de changement, puisque la Chine l'an dernier est le pays qui a mis le plus de satellites en orbite, les Européens sont assez loin derrière. Et s'ils veulent encore exister dans ce milieu qui est extrêmement compétitif, il faut qu'ils s'unissent. Un mot de conclusion, Xavier Pascaux, le rayon de la mort, c'est de la science-fiction pure et dure ? Alors, pour l'instant, le rayon de la mort, c'est de la science-fiction, mais ce qu'on appelle, oui, les armes à énergie dirigée, c'est quand même quelque chose qui a pris forme depuis ces années Reagan, dont on a parlé tout à l'heure, et qui continue aujourd'hui à être développé en réalité, au stade de l'expérimentation, mais on peut imaginer que ces lasers vont tous se miniaturiser, et donc il va falloir comprendre comment tout ça peut interagir. Pour le moment, on a un problème de coût en énergie et de poids, mais on y reviendra en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Clara Lopata de venir nous présenter vos travaux. Merci Jérôme Delesfinois. Merci beaucoup Xavier Pascaux. Je rappelle le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space. C'est aux éditions CNRS. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Mathieu Lefrançois, Tabum Denstock, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous serons le 14 mars. Oui, alors me direz-vous, eh bien le 14 mars en numérotation anglo-saxonne, c'est le 3-14. C'est le jour de pi, on vous dit tout jusqu'à 10 puissance 9 chiffres après la virgule demain à 16h, il va falloir s'armer de patience jusqu'à preuve du contraire.